107ème Pop and Rock sur RVR. Et c'est Frankie et ses doigts de sorcière qui ouvrent le bal ce soir. On a découvert Frankie la semaine passée, mais promis, ils reviendront hanter nos soirées pop and rockiennes. D'ailleurs, en parlant de la semaine dernière, on va tout de suite se lancer vers Source and Moor. Pas avec le même morceau que la semaine passée, on va écouter tout de suite Hashish par l'ex Sonic Youth, First and Moor. Ne marchons pas sur l'herbe, fumons-la, nous dit le ténébreux américain. Thank you. 1990, Thurston Moore appartenait au groupe Sonic Youth. Avec sa moitié, il chantait Titanium Expose. On écoute donc Sonic Youth. thought you had us figured out from the start. We're conduits of clear electricity. Now you're back on the pitch to take the apparatus apart. You're an ancient now. You're an ancient now. You're an ancient now on your own. C'était Parquet Courts avec le morceau Total Football. Côté folie, on ne va pas être en reste avec les filles du groupe suivant. Si vous aimez le morceau Hold Me Hand, vous adorerez le dernier album de Death Valley Girls. On aime ou pas, dans Pop and Rock, on adore le groupe de l'ex-batteuse de Hole. We'll be right back. rock assez habitués, de Nick Cave à Raskolnikov en passant par Group Love et autres Johnny Marr. Un des groupes que je vous envoie le plus, c'est le Brian Johnson Massacre, donc c'est le groupe qui ouvre ce soir la page de nos chouchous dans Pop and Rock. Nevertheless, le Brian Johnson Massacre. Massacre. Et en plus, on assume. Nick Cave, suivi de Roland S. Howard, groupe estampillé Pop and Rock, vont nous rappeler que le bon gros rock vient aussi de l'hémisphère sud. Nick Cave et ses mauvaises graines, et Roland S. Howard pour un titre chacun, que du bon dans Pop and Rock. In the margins of a story that's painfully absurd. Lie down here, be my girl. Let it all come down. do not wanna be a friend. Kiss your cheek and not your lips. I don't wanna shake your hand. Well, I could shake your hips. Yeah, I wanna have your arm. Feel your breath rise and fall. But you don't come when I call. No, I don't wanna be a friend. I do not wanna be a friend. Thought we were above that state. I cannot make you love me more. I broke my hands on heaven's gates. My angel's gone, I took the fall. Concussion's crown was a of you. I won't, I cannot give them back. The scattered signs of whispered clues, indelible as tattoos, scars and tear tracks, as much as me, as much as you. A smile, a laugh, a sneer, a kiss. I do not wanna be a friend. I just have no belief in this. Across your throat. Nous aurions pu continuer la soirée en enchaînant avec les Dandy Warhols ou encore R.E.M. ou encore Unlikely Candidate. Oui, mais voilà, après l'Australie, l'autre pays du rock pourrait être la Belgique avec des groupes comme Balthazar ou encore Ginzu. Ce soir, ce sera seulement Girls in Hawaii et Intergalactic Lovers. C'était Girls in Hawaii avec Flavor qu'on écoute régulièrement dans Pop and Rock sur RVR. Oui, mais Girls in Hawaii, c'est aussi ce genre de truc. Belgique, j'ai aussi des chouchous, Balthazar bien évidemment, et les Intergalactic Lovers. Ce soir, c'est le morceau She-Wolf qu'ils nous offrent. Après l'Australie et la Belgique, nous poursuivions notre voyage jusqu'en Islande. Peut-être moins rock, mais très pop, notamment avec Kellen MacLay, la météorite tombée sur la République d'Islande. Thank you. après la petite bulle islandaise, retour pour terminer avec un des groupes fétiches de votre serviteur. À la fin des années 90, un groupe new-yorkais est apparu, j'ai mis plus de 10 ans à le découvrir, du coup je ne les ai jamais vus à leur grande époque en concert. On se rattrape ce soir, Hands Away, Interpol. J'adore les trois premiers albums d'Interpol, qui malheureusement a perdu son bassiste Carlos Dengler en 2010. Depuis, Interpol n'est plus le même. Allez, pas de nostalgie, on va se faire un petit Get It By Voices, groupe du gourou Robert Pollard, avec une version originale de I Am A Scientist. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. I am a scientist, I seek to understand me. All of my impurities and evils yet unknown. I am a journalist, I write to you to show you. I am unincurable, enough.